cours numéro 22. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Intahayna fi darsina al-akhir min bab al-kufr, al-kufr al-asghar. On a fini, na'am, dans notre dernier dars, le chapitre concernant al-kufr. La deuxième catégorie, al-kufr al-asghar. Fama huwa al-kufr al-asghar? Indaman? Tfaddal? Ahsant. Aïe, c'est du kufr, lakin il n'atteint pas le niveau de al-kufr al-akbar qui fait sortir de l'islam. Lakin dans les textes, il est appelé kufr. Qui c'est qui a appris un dalil min al-Qur'an ou min al-Sunnah? C'est cité al-kufr et c'est du kufr asghar. Indak. فسوق وقتاله كفر أحسنت سباب المسلم فسوق وقتاله كفر insulter un مسلم c'est من الفسق c'est de la perversité وقتاله كفر le combattre c'est du كفر. C'est quoi qui nous prouve un hadith al-kufr dans ce hadith qui nous a rappelé le frère? C'est quoi qui nous prouve un c'est du kufr asghar? Indaman. Tfaddal. Ana jaa fi ayat kitab Allah surat Hujurat. Na'am. Man qatala akhi yusamma akhi. ماذا قال الله عز وجل؟ C'est quoi le verset? إنما المؤمنون إخوة. Et avant cela, c'est quoi le الشاهد من الآية؟ تفضل. أخوة. من الآية. نريد نص الآية. أحسنت. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالله سبحانه وتعالى لا سيتي الاقتتال هنا. Et il les a appelés mu'minun wa in ta'ifatan min al-mu'minin. Et كذلك dans le même verset innamal mu'minuna ikhwa. Ça nous montre que هذا الكفر il fait pas sortir de l'iman. Ça ferait sortir de l'iman Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pas appelé les deux parties mu'minun. Là. Malgré qu'il y a une partie zalima, une partie madlouma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi. Ça montre qu'on a, là, chacun a les deux parties ne peuvent pas avoir tous les deux avoir raison, là. Un des deux parties, la tort, là, chacun. Il y en a le haq wahed, et s'ils se combattent, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Là, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé les deux parties bilaf al-iman. Innama al-mu'minuna iqwa fa aslihu bayna akhawaykum. Le matloub minna dans Vihad al-Had, c'est l'islah. Pourquoi? C'est de les réconcilier. Les deux groupes, c'est des croyants. Hada. Ma yata'alaq bi al-kufr al-asghar. Celui qui fait toujours un dhamb, est-ce que ça implique forcément annahu il a la croyance annahu ya'taqid anna hada halalun? Tfadda. Al-haram, même s'il le fait souvent. Mad dalil. On a une preuve fi hada, tfadlan. N'am, kana yujlad. Et ma'a hada, fa madha hasal? نعم نعم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله malgré qu'il a bu de l'alcool plusieurs fois هذا ça montre أن ما يعتقده والخوارج أنه صاحب الكبيرة سان كافر هذا سباطل même s'il l'a fait plusieurs fois. Ce qui fait sortir de l'Iman, c'est Nawaqid al-Islam, qu'on a déjà détaillé ensemble, Wallahi alhamd, dans cette Risala et dans d'autres. Et Kadalik, c'est de, et ça fait partie de Nawaqid al-Islam, de rendre halal quelque chose de haram. Clair. Il sait que c'est haram, mais il le rend halal, ayyadam billah. Mathalan, il dit l'alcool c'est halal. Wahada, on a dit, même s'il ne boit pas, c'est un kafir. Mais celui qui boit, ayyadam billah, c'est un péché grave. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas d'importance à hada. Là, lakin, on n'a pas le droit d'exagérer et le faire sortir de l'islam. Limada, li'anna, pour faire sortir de l'islam une personne quelconque, il faut un dalil. Ça vient pas, ça revient pas à nous. بعض الناس من كثرة الحماس والغيرة لكن يدباس لليميت ربما يفوى واحد يفوى beaucoup de معاصي يبنس كلا بل الإيمان لا ça revient pas à nous هذا لأن si on le fait sortir de l'islam بغير حق c'est من الهوى c'est très grave et كذلك c'est un grand péché كفر son frère لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit هذا بل il a informé à celui qui rend كفر son frère si c'est pas vrai ça revient sur lui on n'a pas le droit de vouloir combattre le ma'asi ou enlever le munkar et tomber nous-mêmes dans le munkar. Là, c'est du deal. On doit faire attention à l'atifa, les sentiments, ou le ghayra mal placé, ou le hamas. Ils sont motivés et ils voient faire une chose, ils ne comprennent pas, ça le blesse. Ou yahkum alayh. Là, c'est du deen. On est obligé de revenir au texte. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a lu ensemble, une surat al-Hujurat, il démontre à l'homme c'est des mu'minoun. Malgré qu'ils se sont combattus, se sont entretués. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre un Abdallah, كذلك, il a bu de l'alcool. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fouetté, il a rebu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne le maudissez pas, fa'innahu yuhibbu Allah wa rasoula, il aime Allah et son messager. On n'a pas le droit de dépasser les limites. On n'a pas plus de ghayra que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce dîn, ça nous montre qu'on doit faire attention aux sentiments. Ma dhallat al-khawarij wal-rawafid et tous les groupes égarés illa bi sabab al-hawa wa al-awatif les sentiments. Ils délaissent les textes et les sentiments. Iyadun billah et ba'dhum, ils s'égarent à cause de hada. On doit faire attention al-hawa. الحكم سيرجع الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر attention à الهوى بعضهم من شدة محبتهم لدين الله يتباسل ليميتي سيغا والشيطان كما تعلمون il essaie d'égarer la personne par rapport à ses sentiments. Certains jeunes, ils aiment le dîn, certains les nouveaux. Et il apprend des masail, il apprend que cette chose c'est haram. Il apprend qu'il faut faire cette chose. Tom, il voit autour de lui, mujtama, sa famille, ses voisins, sa ville, ils sont très loin de hada. Le shaitan, il essaye de l'égarer min hada al-bab. Et il commence à lui faire croire, anna unzur hada. Malgré que c'est un musulman. Lakin, il fait tel péché. Il s'habille comme un kafir. Il parle mal, wahakada des mukhalafa, hatta ce jeune, tellement qu'il aime le din, lakin il n'a pas les limites, l'ilm. Il ne revient pas à ahl al-ilm, il ne connaît pas madhhab al-salaf. Rubbama pour lui, ça paraît énorme, et ça peut être énorme, c'est des péchés. Lakin il dépasse les limites et il pense qu'un musulman, il ne peut pas faire ça. Un musulman, il boit de l'alcool, il fait zina, il fait telle chose. Si tu connais aqidat al-salaf, ça reste un musulman, sa foi elle est faible. Nous, on ne dit pas que. أنه صفوة لديسانبا أنه سكي فسيريان كما تقول المرجئة أبدا نحن نقول سي تري غراف وينصح اي بيان سور يا دي شوز سا امبليك دي شوز تو سي ذنو لكن ديباسي لي ليميت اي لو انلفي الايمان بالكليه فباي دليل كال بروف فور لو انلفي الايمان بالكليه سا روفيان با ا نو هذا ابدا بل عقيده السلف الي كلير ان صاحب Al-ma'asiyah, walaw si un kabira, walaw si il l'a fait souvent, tant que c'est un mu'min, et il n'a pas contredit son iman bil-kulliya avec un annulatif de l'islam, ça reste un mu'min. Kama yaqul ahl al-ilm, kama yaqul ahl al-ilm, mu'minun bi-imanihi fasiqun bi-fisqih. أو بذنوبه. سام مؤمن لأنه إلى الإيمان، وسام فاسق لأنه إلى الفسق. Et ça c'est important. أن في الرجل قد يجتمع فيه إيمان وفسق، بل إيمان وكفر أصغر. مثلا celui qui combat un mu'min, qitaluhu kufr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, c'est un mu'min, il a du kufr asghar. Et ça c'est important. Mais les khawarij ou les murji'ah, ils n'ont pas compris hada, comme on avait expliqué dans nos durus des sectes. Pour eux, soit t'es mu'min, soit t'es kafir. Enfin, les hada, les khawarij, ils ont dit, si il fait un grand péché, c'est plus un mu'min. Et là, ça ne se ressemble pas. Et les murji'ah, kadhalik, ils ont dit, si on dit que l'iman il descend, enfin, on va faire comme le Khawarij, on va le faire sortir de l'islam. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont conclu ? Annahu, le péché ne lui fait aucun mal. Et ça, c'est ceux qui exagèrent parmi eux, comme on l'avait détaillé. Amma nahnu, là, ça peut être un mu'min, et il peut avoir du fisq, ou du kufr, ou du nifaq. Bien sûr, asghar, comme on l'a vu dans le chapitre du kufr, et comme on verra dans le chapitre du nifaq, inshaAllah ta'ala. Ça, c'est très très important, ya jama'a. Très important de connaître hada. Fa li hada, tu peux l'aimer et le détester. Tu l'aimes parce que c'est un mu'min et il a des huquq. S'il tombe malade, on le visite, on le conseille. S'il meurt, on fait salat sur lui. Dans certains cas, il ne faut pas faire salat sur lui. Khassatan, si c'est un savant, il a khiri pour que les gens ils comprennent que c'est grave. Lakin l'asl, on fait salat sur lui. Et on le déteste par rapport à ce qu'il fait comme dhunub. Quand il fait ce dhunb, on ne le côtoie pas. Et on le conseille. Et on lui montre qu'on n'est pas d'accord. Wahakada. C'est ce point que le Khawarij n'ont pas compris ou un harafou. Enfin, tout ça, on a cité nahnu hada brièvement pour mettre en garde nos frères et nous-mêmes contre l'atifa, les sentiments al-hawa. Al-hawa, c'est une mosiba, ça fait beaucoup de mal. Ba'duhum al-hawa les pousse à exagérer, ba'duhum al-hawa les pousse au contraire à délaisser. C'est pas grave, c'est pas grave. Et ba'duhum, ils dépassent les limites. Al-Khawarij, ils ont tellement dépassé les limites. Hatta fil ibada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé an as-sahaba yuhqiruna salatahum 'inda salatihim. Hatta salat as-sahaba par rapport al khawarij, elle était pas aussi nombreuse. كذلك الصيام. Ils étaient mujtahidun fil ibada. Lakin ça suffit pas l'ijtihad. Ijtihad avec ilm, tout ça bien sûr ikhlas et mutaba'a li Nabi sallallahu alayhi wa sallam. تعلمون أن trois hommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus le voir et ils ont demandé à Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là, ils ont demandé à Aïcha radiyallahu anha, أعمال, qu'est-ce qu'il fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ? Elle leur a informé أنه il fait salat, il dort la nuit, أنه de temps, des fois il jeûne, des fois il mange, وهكذا. Il s'est marié, il a eu des enfants. فكأنهم, pour eux, c'était peu. Pourquoi ? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a tout pardonné, alors que nous, Allah, il ne nous a pas tout pardonné. فَقَالَ أَحَدُهُمْ إِنِّي أَقُومُ اللَّيْلِ وَلَا أَنَمْ. Et je vais faire salat toute la nuit, je ne dors plus. Un autre, il a dit, أَصُومْ لَا أُفْتِرْ. Et je vais jeûner, je ne mange plus la journée. Toute sa vie. وَحَدْ, il a dit, le dernier, il a dit, وَأَنَا لَا أَتَزَوَّجَ النِّسَى. Je ne me marie pas. Je vais me consacrer qu'à l'ibad. Aïcha radiyallahu anha a informé un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anna, ces trois hommes, ils ont dit la akhiri. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam ghadiba. Thumma qal, man ragiba an sunnati fa laysa minni. Celui qui s'écarte de ma sunna, il fait pas partie de moi. Aïe, il fait pas partie de. Ça fait pas partie de mon chemin, de ma guidée. C'est pas ma voie. Malgré que la base, c'est quoi ? C'est l'ijtihad, ibn al-khayr. Ha'oula, les trois qui sont venus voir Aïcha radiyallahu anha, ils n'ont pas voulu faire des ma'asi, des mukhalafat. Là, c'est fondé sur l'ijtihad, ou l'ibad, ou l'khayr. Lakin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré là, toutes ses forces avec, avec sa sunnah. Man raghiba, et celui qui s'écarte de ma sunnah, il ne fait pas partie de moi. On fait attention. Pardon, ils exagèrent. Et ce que on verra inshallah ensemble an as-sufi et ad-dallal, ce groupe égaré qu'ils ont exagéré par aja, et ba'dhum ils ont fait des sacrifices lakin fil batil. Wallahu al-musta'an. Wal yawm naqra inshallah hadha al-bab al-jadid باب النفاق. قال العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: النفاق. وهذا كذلك هذه توسي أبواب استفادها المؤلف من كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فلعل هذا منه. قال رحمه الله: النفاق نوعان، اعتقادي وعملي. في الحقيقة tout ça on l'a vu في نواقد الإسلام. On répète, on lit المتن لأن هذا لعل لا قصته في الشرح لأن تقدم معنا في نواقد الإسلام. قال رحمه الله: النفاق الاعتقادي ستة أنواع صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. Il va citer six catégories et il a cité الحكم أن صاحب النفاق الاعتقادي سان كافر. C'est pas un مسلم. بل يوم القيامة il sera في الدرك الأسفل من النار. Et quand il rentrera عيادن بالله ce منافق في النار, il sera au plus bas fond, au plus bas degré, au plus bas niveau عيادن بالله. لماذا؟ لأنه سان كافر. C'est pas un مسلم. لا يؤمن أبدا. لكن il fait apparaître l'islam. فقط. أما au fond de lui c'est un كافر. Comme اليهود, comme النصارى, il n'y a aucune différence. بل هو il est أخبث. Son cas il est plus grave. لماذا؟ لأنه en plus d'être كافر il trompe. Il trompe les mu'minin, les salihin. Il les combat. Et il leur fait du mal. فلهذا, il est au plus bas niveau de النار. قال الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. Et هذا c'est très grave. النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé d'une chose. واحد يقول لا, c'est un mensonge. Alors qui sait que النبي صلى الله عليه وسلم il a dit هذا؟ هذا c'est من النفاق عيدا بالله. Tout ça on l'a vu في النواقد. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما le premier c'est سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا بالله il est pas sur le haq إلى آخر. Le deuxième تكذيب بعض ما جاء به الرسول. وهذا on l'a vu في نواقد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré une chose qui fait partie du din وهذا المنافق يقول لا. لا, cette chose c'est pas vrai. هذا c'est du nifaq et c'est du kufr. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. Détester الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا المنافق. Pourtant il fait salat, pourtant d'apparence tu penses que c'est un muslim et au fond de lui il déteste الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك c'est du kufr. أما المؤمن quel que soit son niveau في الإيمان وفي العلم quel que soit son niveau il aime الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك on en a parlé في النواقد. Détester une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré, que ce soit le hijab, que ce soit la salat, que ce soit le siyam. Celui qui déteste cette ibadah فلا شك أنه c'est pas un مسلم. Bien sûr avec on avait détaillé cette مسألة. الخامس نعم المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أي سرور أي il est content. Il est content quand دين الرسول il se fait attaquer. أو المسلمون ils sont dans une mauvaise situation. يفرح. أو الكفار يبخل ندسوا sur المؤمنين. Il est content. لماذا؟ ce منافق il est content. لأنه il fait partie des الكفار. Il déteste les مؤمنين. أما المؤمن quel que soit son niveau مهما كان مستواه في العلم أو الإيمان فأبدا il est content quand الإسلام هذا الدين العظيم il se fait attaquer أو الرسول أو les croyants. لا. السادس الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ça ressemble au cinquième point. أنه il déteste quand الإسلام ça avance dans un endroit أو المسلمون ils prennent le dessus. Quand l'islam y a de la quwa, الدعوة تنتشر, المنافق il est pas content. لماذا؟ لأنه سان كافر. ثم قال النفاق العملي خمسة أنواع والدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان, وفي رواية إذا خاصم فجر, وإذا عاهد غدر. هذا إن شاء الله سيأتي. قال العلامة الشيخ نجمي رحمه الله الشرح: نوعان اعتقادي وعملي, أي النفاق نوعان اعتقادي وعملي. قوله اعتقادي وعملي موقعه من الإعراب أنه بدل من كلمة نوعان ساسد نحو نوعان لمرفوع سي بوغ سا كي ان ألف الألف سي علامة الرفع في اسم المثنى أما كونت إلي منصوب أو مجرور سايا تدي مثلا على نوعين على نوعين إلى مجرور علامة جره سليا فهنا إلى مرفوع نوعان اعتقادي وعملي كذلك vous avez remarqué qu'il y a il est مرفوع ضمة تنوين il n'a pas dit اعتقاديا أو اعتقادي لا اعتقادي وعملي إلى بدل أي اعتقادي وعملي سأexplique les نوعان et ça c'est du نحو ويصح أن نقول نفاق اعتقادي ونفاق عملي نعم لا سلام من الشوس المعنى واحد قال النفاق الاعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من ذلك فصصن ججمع عند الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار النار دركات دركات سدي نيفو كما أن الجنة درجات. ces deux mots arabes درجات دركات درجات c'est des degrés si on peut traduire هكذا. أي 0 1 2 3 كما في الجنة. plusieurs degrés. le plus haut degré le Firdaus. النار دركات c'est des niveaux 0 moins 1 moins 2 وهكذا. المنافق نفاقا اعتقاديا il est au plus bas fond. عيادا بالله. تعريف النفاق الاعتقادي هو التكذيب في الباطن والإيمان في الظاهر. En apparence, c'est un مسلم. Au fond de lui, في الباطن, c'est un كذاب. Il ne croit pas. On peut se poser la question, pourquoi il fait apparaître l'islam? Et on a cité plusieurs fois la réponse. À l'époque du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, مثلا, النفاق, il s'est répondu في المدينة. لماذا؟ لأن في مكة المسلمون étaient في ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة أولا إلى الحبشة لماذا؟ لأن المسلمين يسفزي تخطغي par كفار قريش إذا avaient pas la force qu'ils ont eu plus tard فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة de faire الهجرة عند أو في الحبشة ils sont partis الحبشة ils ont fait الهجرة ثم ils sont revenus la même chose النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة إلى المدينة ثم النبي صلى الله عليه وسلم lui-même il a fait الهجرة إلى المدينة vous remarquerez que النفاق Il n'est pas apparu في مكة. لماذا؟ لأن الكفار ils avaient le ils faisaient du mal aux musulmans. حكمة الله سبحانه وتعالى. Et les musulmans ils étaient في ضعف. Ils étaient pas nombreux au départ. ثم قليلا قليلا. Et Allah سبحانه وتعالى il est على كل شيء قدير. لكن الحكمة. Ça c'est pour éduquer les musulmans de patienter. Et avec le temps ça viendra. ولله الحمد c'est venu. في المدينة. الأنصار ils ont accueilli النبي صلى الله عليه وسلم. دين الله Il était qawi. Ils ont eu une dawla avec un amir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-kafara qu'ils étaient fil Medina, imma ils rentraient fil l'islam, imma al-qital ou al-jizya, ma'ouf. Lakin ils ne pouvaient pas rester comme ça. Obligés qu'ils rentrent fil din. Al-nifaq, il est apparu. Ba'dahum, ils n'ont pas voulu de ce din. Lakin, vu qu'ils habitaient al-Medina, ils ont fait apparaître l'islam. Avec cette explication, inshallah, tu comprendras mieux. Tu comprendras mieux هذا الباب. أما مثلا إلى يومنا هذا بلاد الكفر مثلا c'est des kuffar. Ils ont le dessus. Tu trouves مثلا dans une ville une dizaine de musulmans. ربما tu trouveras pas de beaucoup de nifaq. إلا واحد من هؤلاء il veut plaire aux kuffar et il fait du mal aux musulmans et il fait apparaître l'islam pour les combattre. Ça arrive. لكن أشد من هذا c'est quand l'islam il est قوي. Et tu trouves, ba'dahum, ils ne sont pas d'accord et ils font apparaître, iyadam billah, l'islam. Ça arrivait à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'était la meilleure époque. Comme akhbar al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith Imran, radiyallahu anhu, khayrun nas qarni. Et al-nifaq, il est apparu fil Medina. Ma baluk, à d'autres époques et d'autres endroits. Lakin al-munafiq, il se fait du mal qu'à lui-même. Qu'est-ce qui va gagner? Il se fait du mal qu'à lui. Allah subhanahu wa ta'ala nasirun dina. Allah yansur hada din. Avec qui il veut. Lakin, iyadun billah, Ça, c'est à cause de ce mensonge et manque de sincérité et de véracité, Allah, il les égare. قال رحمة الله عليه وقد ذكر الله عز وجل النفاق الاعتقاد وبين صفات أهله في سورة البقرة بدءا من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآية واضحة ومن الناس من يقول أي certain person يديز آمنا بالله أي on est des croyants, ils font apparaître l'islam. Et ce n'est pas des croyants. C'est le munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les munafiqun dans 4 sourds. Les munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a beaucoup cités et nous met en garde. Sourat al-Baqara, Sourat al-Tawba, Sourat al-Ahzab et Sourat al-Munafiqun. C'est 4 sourds, Allah subhanahu wa ta'ala fadah al-munafiqin, khasatan fi surat al-tawbah, al-bara'ah. Kadalik il appelle al-bara'ah ou al-tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala fadahahum, wa minhum. Et nous cite, azza wa jal, leurs caractéristiques. Qala, ila qawlihi ta'ala dhikruh, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا ذَهَبَ بِالسَّمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبَيَّنَ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ. كذلك ربما la plupart d'entre vous ils la connaissent sous le nom de التوبه. سورة التوبه c'est سورة براءة. بيانا عظيما فما زال يقول ومنهم. Dans ce verset, dans cette sourate, plutôt quand vous la lisez en arabe, souvent vous trouverez au début des versets wa minhum, et parmi eux, c'est al-munafiqun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il cite leurs sifat, leurs caractéristiques. Cheikh Najmi rahmatullah alayhi, il a cité quelques exemples, naqraha. Ka qawlihi subhanahu wa ta'ala wa minhum. من يقول إذن لن نعم ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الله سبحانه وتعالى les a appelés كافرين. هؤلاء quand le Nabi صلى الله عليه وسلم sortait pour al-ghazwa, pour une ghazwa, pour le jihad, دائما il faisait tout pour ne pas y aller. وقوله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. كذلك ça c'est من أوصاف المنافقين. Premier وصف dans sourate al-Tawbah qu'il a cité هنا Cheikh Najmi, أنهم faisaient tout pour fuir, ne pas aller au jihad avec le Nabi صلى الله عليه وسلم. Ils pensaient que c'était une fitna alors qu'ils sont tombés dans le fitna, ils ont refusé d'y aller. لماذا؟ لأن يفعل باك دين الله ينصر. Au contraire, eux, ils pourraient que les musulmans soient éliminés, éradiqués, ils auraient fait. Enfin, comment ils vont participer à combattre leurs frères kuffars? لهذا هؤلاء يدتستوا الجهاد, cette عبادة عظيمة. Deuxième وصف, قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. Quand le Nabi صلى الله عليه وسلم leur donnait, ils étaient satisfaits. قال عز وجل وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Et quand le Nabi صلى الله عليه وسلم il leur donnait pas, عياذا بالله, il se plaignait, il parlait mal, إلى آخره. Ça te montre أن قلب المنافق متعلق بالدنيا بشدة. لماذا؟ لأنهم ils ont pas l'iman. Et celui qui a pas l'iman, عياذا بالله, il s'accrochera à الدنيا. وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كذلك من صفاتهم الكذب. أنهم كانوا يقولون si Allah il nous donne, on fera telle chose, on fera telle chose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne, bakhilu bih wa tawallu. Bakhilu, ça vient de le bukhl, l'avarice. Wa tawallu wa hum mu'ridun, ils se détournent. Pourquoi? لأن البيت du منافق c'est الدنيا c'est pas l'akhira. وفي خلال ذلك بين الله عز وجل كثيرا من صفاتهم إلى أن قال وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Ils ont, عياذا بالله, ils se sont rabaissés حتى ils ont été satisfaits de cette place. Et on vient pas avec vous faire le jihad et on reste avec les قاعدين. القاعدون c'est qui? C'est les femmes qui ne peuvent pas les combattre, c'est les malades, c'est les blessés, c'est les handicapés, c'est les enfants. Et ceux qui ont un udr, ils sont excusés. Enfin, le munafiq, il est prêt à se rabaisser et de rester avec ha'oula qui ont une excuse. Amma ha'oula, c'est des mu'minoun, ils ont une excuse. Amma le munafiq, il n'a aucune excuse. C'est quoi qui l'empêche d'aller avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam à l'époque? C'est, il n'y a pas d'iman. Non, ça ne suffit pas la force et le courage, le shaja'a. C'est l'iman. Celui qui n'a pas l'iman, yafshil. Iyadun billah. قال إلى أن قال سبحانه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. Quand ils n'allaient pas à une ghazwa, à une bataille avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y revenait, ils s'excusaient. Avec des excuses qui ne tiennent pas debout. Lakin, hakada al-munafiq. Amma al-mu'min, al-salih, il a une ibra fi qissat Ka'b ibn Malik wa sahibay. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité fi surat al-tawb. Annahum, ils ne sont pas partis, ghazwa al-tabouk. Ka'b ibn Malik radiyallahu an et deux autres compagnons du professeur sallallahu alayhi wa sallam, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu, ils n'ont pas cherché des excuses comme le munafiqin. Ils ont patienté hatta Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu un verset annahum, ils ne font pas partie des munafiqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala il les a élevés les mains et annahum, ils ont été sincères et ils ont regretté et ils n'ont pas menti. Amma le munafiqin, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu, automatiquement ils allaient le voir et des excuses. Ça sert à rien, لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. فلهذا قال عز وجل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. Et quand vous revenez, ils trouvent des excuses. Le mu'min ne doit pas être comme ça. Le mu'min ne doit rien aux gens. أنت تتعبد لله عز وجل. Si tu as fait une faute, même si tu cherches des excuses vers une personne et cette personne y croit que tu es à la khair, si tu n'es pas à la khair, يوم القيامة, qu'est-ce que tu vas dire? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. وَالْمَلَائِكَ تَكْتُبْ بَلْ يَوْمَ الْقِيَامَ حَتَّى nos propres membres y témoigneront. Ta main, ta jambe, إِلَى أَخْرِفَ أَيْنَ الْمَفَرْ. Ça ne sert à rien. Lakin, c'est quoi la différence entre Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons, radiyallahu anhum, et al-munafiqoun, dans cette situation, غَزْوَ التَّبُوك. C'est Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhum, et ses deux compagnons, ils étaient sincères. Ils voulaient le haqq. Ils voulaient l'akhira. Amma les autres, ils voulaient le dunya. Fa ils mentaient très simplement. Hakada al-munafiq, ayyadun billah. Qala azza, na'am, ayna nahnu? Na'am, ila an qala, ay, qawlu Allah azza wa jal, wa idha ma unzilat suratun, nadara ba'duhum ila ba'd, hal yarakum min ahadin, thumman sarafu, sarafallahu qulubahum, bi annahum qawmun la yafqahoun. Al-munafiq, il regarde que les gens. C'est pour ça que, comme on a déjà cité, il y a même dans le salat al-jama'a, salat al-isha ou salat al-fajr, vu qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de lumière, et l'isha c'était la nuit, le fajr c'est, il fait encore nuit. Al-munafiq, on n'y venait pas. Il n'y en a personne les voit. A'iyadun billah. Et dhuhr, l'asr, al-maghrib, vu que les gens ils les voient, ils venaient. Ça montre le nifaq, ça montre que l'ibada n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'ibada elle est pour lui. Imma pour se préserver, imma pour de l'argent, imma pour dunya, yadun billah. C'est ça le nifaq al-i'tiqadi. قال وفي خلال ذلك بين الله عز وجل الشيء الكثير من أعمالهم وفي سورة الأحزاب ذكرهم الله عز وجل وبين بعض صفاتهم وفي سورة المنافقون كذلك. المنافقون بالرفع على الحكاية. Pourquoi on ne dit pas fi surati al-munafiqin, mudaf ilayh? Là, Huna al-munafiqoun, c'est le nom de la sourate, enfin, il ne bouge pas. Al-Nahwiyoun, ils appellent cela al-Hikaya. Et ça reste comme ça. Mit le sourate al-Mu'minoun. On ne dit pas sourate al-Mu'minin. Léana, si on cite al-Mu'minoun et il est mudaf ilayh, obligatoirement il est majrour bilia. Enfin, tu dis, matalan, baytu al-Mu'minin. Je ne dis pas Baytul Mu'minun. Lakin, on dit Surat al-Mu'minun, Surat al-Munafiqun, ala al-Hikaya. Enfin, ça reste avec al-Waw. Et ça, Inch'Allah, vous le verrez, finnahu, on a cité Faqat Hatta pour montrer qu'il n'y a pas d'erreur. On a. Qala ta'rif al-nifaq al-i'tiqadi, kama sabak idharu al-islam wa ibtan al-kufr bi an yaz'am al-munafiq bi annahu yuhibbu Allah wa rasulah wa annahu mu'min. وهو بخلاف ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن نعم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر هكذا المنافق prétend croire et au fond de lui il croit pas et il sait qu'il croit pas لكن c'est un menteur المنافقون c'est des menteurs ومبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به ومبغضا لدينه والمنافقون لفساد اعتقادهم يتمالؤون مع الكفار الصرحاء من يهود ونصارى ومشركين. Il y a beaucoup de preuves في هذا أنهم ils sont دائما avec leurs frères même si en apparence il est avec les musulmans et l'akhir لكن son cœur il est avec الكفر et الكفرة. لهذا ils s'entraident avec que ce soit les يهود que ce soit les نصارى que ce soit les مشركين في كل مكان وزمان المنافقون ils sont avec le kafra. لماذا لأن الكفار بعضهم أولياء بعض. قال وهكذا فالمنافق يصر ويحب أن ينخفض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ نجمي l'a cité les six catégories لكن نعم il les a pas cité point par point. الآن il les cite ensemble avec une brève explication. C'est طيب. وهكذا فالمنافق يصر ويحب أن ينخفض دين الرسول. Il y a un khafid, tu peux traduire par il baisse. Ad-din. Matalan, dans un endroit, tel masjid il est fermé. Les croyants ils sont combattus, ils sont expulsés, ils se font frapper, ils se font emprisonner. Al-munafiq fi hadha al-hal yafrah, il est content. Limadha li'anna yadtas l'islam wal muslimin. Amma al-mu'min, quel que soit son niveau, si un masjid il est touché, si un croyant il est touché, khassatan une femme, un enfant, des faibles, ça le touche. Amal munafiq yafrah. Et quand c'est le kuffar qui sont touchés par une musiba, il est triste. Limadha li anna al-munafiq c'est un kafir. Qala wa yakrah intisar din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadha huwa an-nifaq al-i'tiqadi alladhi yakun fi qulubihim. Na'udhu billahi min an-nifaq wa fasad al-i'tiqad. Et on n'est pas à l'abri. Falihadha al-allama al-sheikh Najmi rahmatullah alayhi, il a fait ce dua. On n'est pas à l'abri de cela. Daïman, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de هذا النفاق. Cheikh Najmi rahmatullah alayhi, il a cité la parole d'Ibn Abi Mulaika qu'on lira ensemble, inshallah. Qala, amma al-nifaq al-amali. On a fini al-nifaq al-i'tiqadi. Il fait apparaître l'islam et au fond de lui, c'est un kafir. Et il y a plusieurs catégories. Haqiqa, c'est des exemples. Détester le rasoul, détester din al-rasoul, détester la religion, wa hakada. أما النفاق العملي وهو عمل أو وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب. C'est un mu'min, لكن il peut faire une chose qui fait partie des caractéristiques des munafiqs, des hypocrites. مثلا le mensonge. C'est un croyant, لكن il ment. Ça c'est من صفات المنافقين. إذا حدث كذب, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حدث انشد فوق الداء. قال وهو عمل من المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب وهذا لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى ذلك. Ça fait pas sortir de l'islam, لكن c'est un chemin qui emmène au nifaq الأكبر فالإنسان يحذر. لكنه وسيلة إلى ذلك وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق. C'est ça qu'on a cité au début du dars. Une personne peut avoir dans son cœur du iman et du nifaq. Bien sûr, nifaq asghar ou nifaq amal. Amma nifaq al-akbar, la. Nifaq al-akbar, c'est faire apparaître l'islam et pas du tout de iman dans le cœur. Qala wa idha kathura sara bi sababihi munafiqan khalisan والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها خصلة للجمع سي خصال والخصال سي دي كاركتيرستيك دي شوز دي شوز كل انسان لا مثلا لو منسونج pour le مؤمن الصالح لا être véridique la sincérité tout ça c'est des خصال ça ressemble à صفات قال فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وقد ذكر في الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان إلى دو حديث في الصحيحين dans le Hashiya, le premier, min hadith Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma. Et le troisième, la troisième riwaya, wa fi riwaya, wa idha khasama fajr, wa idha aahada ghadar. Wa hada qala, akhrajahu al-Tirmidhi, wa sahahahu al-imam al-Albani, rahimahullah, fi sahih, wa da'if sunan al-Tirmidhi. Et là, donc ces trois hadiths, on a plusieurs caractéristiques des munafiqs. Et c'est du nifaq asghar. Limada? Lianna صاحبه c'est un mu'min. C'est un croyant, il croit Allah subhanahu wa ta'ala au messager, il aime din, il a akhari, c'est un mu'min min al-mu'minin. Lakin, iyadam billah, il tombe dans ses péchés, ses péchés, c'est des caractéristiques de munafiq. Il va les citer, rahmatullah alayhi. فالنفاق العملي لا يخرج من الإسلام بل صاحبه مسلم فاسق. C'est comme le kufr al-asghar ou le shirk al-asghar. والنفاق مأخوذ من النفق الذي هو الجحر باعتبار أن صاحبه أظهر شيئا وأخفى خلافه ويسمى النفاق العملي نفاقا نعم il fait apparaître une chose et الحقيقة il est pas comme ça فلهذا الكذب من صفات المنافقين il fait apparaître une chose et الحقيقة c'est pas vrai مثلا j'ai fait et il a pas fait il a fait apparaître une chose qu'il a pas fait c'est comme النفاق الأكبر il fait apparaître l'iman et il a pas l'iman Ça c'est min haith al-lugha al-nifaq. Faire apparaître une chose qui est contraire à la réalité. ويسمى النفاق العملي نفاقا لأن الذي يكذب في حديثه يزعم أن حديثه صدق وهو كذب وأنه يعد ويخلف قاصدا للخلف حين وعد. Et ça c'est important. أنه مثلا من صفاتهم أنه إذا وعد أخلف. S'il donne un rendez-vous maintenant, il ne tient pas sa promesse. Hada, c'est un sifat de munafiq si au départ, il sait qu'il ne va pas venir. Maintenant, واحد, عياذا بالله, il donne un rendez-vous à un autre, il lui dit on se voit demain après salat al-dhuhr, et au fond de lui, il sait qu'il ne va pas venir. Hada, c'est un sifat de munafiqin, c'est grave. Il sait très bien qu'il ne va pas venir, et son frère, il va se déplacer, il a arrêté, et lui, au départ, il sait qu'il ne va pas venir. هذا c'est من صفات المنافقين. أما واحد يدون rendez-vous demain. Et quand il donne le rendez-vous, il veut venir. Et inshallah, il va venir. Il est azim pour venir. Et il lui arrive quelque chose. Il peut pas se déplacer. هذا on dit pas c'est من صفات المنافقين. هذا s'il a une excuse, il contacte, il a akhri, son frère. Il y a une différence. أن avoir l'intention de ne pas venir et avoir l'intention de venir. قال لأنه أظهر الوفاء وأبطن الخلف. C'est pour ça que c'est du nifaq, amali. Il en a fait apparaître qu'il va venir et au fond de lui, il sait qu'il ne viendra pas. Et il a l'intention de ne pas venir. قال أما الذي يعد صادقا وتحصل له ظروف تمنعه من الوفاء فهذا لا يكون منافقا. أي نفاق عملي on parle. Il ne faut pas comprendre de كلام الشيخ نجمي هنا أن celui qui donne un rendez-vous et il a l'intention de ne pas venir, أنه c'est un منافق, نفاق أكبر. لا. Quand الشيخ نجمي الآن dit منافق dans cette deuxième partie, c'est النفاق الأصغر. C'est un munafiq, nifaq asghar, pas un munafiq qui fait sortir de l'islam. Et le mieux, c'est de dire qu'il a des caractéristiques de munafiq. Mais si on dit que c'est un munafiq, bah non, ils peuvent ne pas comprendre al-qasd, annahu, c'est du nifaq asghar. Et al-ma'loum, fi al-nusus, fi kalam ahl al-ilm, c'est que le munafiq, c'est pour le nifaq al-akbar. قال أما الذي يعيد صادقا وتقرأناه قال كذلك أيضا من ائتمن خان فخان الأمانة Je lui donne une amana. Garde-moi telle chose, ou tu lui dis un calame, tu ne veux pas qu'il le cite. est à une thiqabé et yakhounouk, il divulgue ce que tu lui as dit. Mathalan. Ça, c'est min sifat al-munafiqi. Amana, celui qui te donne une amana, tu dois la respecter. Si tu ne peux pas au départ, dis-lui, Anna, je ne peux pas. Amma ba'duhum iyadun billahi, mathalan wahid, il veut se confier. Et ce mu'min, il a besoin de parler, il se confie à un autre. Thumma, hada, il divulgue tout ce qu'il lui a dit. Et ça lui fait du mal. Ça, c'est min al-nifaq, iyadun billahi. Wa kadhalik idha khasama fajr. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Mukhasama. Et quand il a un problème avec un autre, une dispute. Qal wa idha khasama fajr. Na'am. Ay al-fujur fil kalam. Il insulte, il parle mal. Iyadun billahi. Un mauvais comportement. Ça, c'est min sifat al-munafiqin. Al-mu'min, il doit patienter, il doit, même si on t'a fait du mal, même s'il y a un problème, une dispute, tu peux régler les problèmes avec al-kalam al-tayyib. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna li sahibi al-haq ma qala. Celui qui a le haq, il a le droit de parler, parle. Lakin bi haq bi hudu. T'as pas besoin de l'foujour. Fal foujour, iyadun billah, kama ja'a fil hadith, yahdi ila an-nar. C'est une route pour an-nar, al-foujour. Al-foujour, c'est tu peux traduire la perversité fil kalam. Iyadun billah. Fa huwa yahlifu kadiban wa ya'ti بشهادة مزورة ويدعي شيئا ليس له وينكر الشيء الذي عليه. نعم المنافق أو صفات منافق. نعم que certains مؤمن للأسف ils ont ونسأل الله العافية والثبات أنه ربما يمو يجور tout ça pour de l'argent ou pour شيء من الدنيا alors que c'est un mensonge et ça fait du mal à son frère. قال وكذلك قوله إذا عاهد غدر من عاهد وهو يريد الوفاء بالعهد وحصل له ما يمنعه من الوفاء فهذا لا يدخل في النفاق. C'est la même chose. L'exemple qu'on a donné pour le rendez-vous, c'est la même chose. عاهد. مثلا tu donnes un موعد à واحد. Un rendez-vous et à la base tu veux venir. لكن tu as un empêchement. On ne dit pas que ça fait partie des caractéristiques des munafiqin. Là, si ton frère il a une excuse, accepte son excuse. On doit s'entraider entre nous. Pardon, ils sont trop durs, fille, هذه الأشياء. Son frère, il lui est arrivé, il n'est pas venu, il a eu un problème. Ya akhi, si il t'a cité, il te dit qu'il a un problème, pas besoin d'insister. Et pardon, ils le font jurer. Mais pas besoin de هذا. Il t'a dit, il a une excuse. Alhamdulillah, c'est ton frère, il a une excuse. Pardon, même s'il cite l'excuse, il lui en veut quand même. Là, ce qui est grave, c'est que c'est cette sifat de munafiq. À la base, il ne voulait pas venir. Et ça, on ne peut pas le savoir. Nous, on prend l'apparence. On ne peut pas savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Et si واحد, il est connu, il est connu, les rendez-vous, il ne vient pas, il ment, ne fais pas d'affaire avec lui. حتى لا يضرك. قال وكذلك إذا عاهد غدر من عاهد وهو يريد الوفاء بالعهد وحصل له ما يمنعه من الوفاء فهذا لا يدخل في النفاق. فمن اجتمعت في هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين. Ça veut pas dire que c'est un منافق même s'il a les quatre. أنه quand il est disputé par le mal, أنه il vient pas au rendez-vous et il ment, أنه tout ce qui est cité هنا. Ça ne veut pas dire que s'il a les quatre qui sont cités dans le hadith, annahu c'est un munafiq ay i'tiqadi. Là, il y a un ahl sunnah, on ne rend pas qu'à faire avec les dhunoub. Mentir, c'est un péché. Trahir, c'est un péché. Insulter, c'est des péchés. Enfin, si wahad, il a tout ça, est-ce qu'on va dire c'est un munafiq, nifaq, i'tiqadi, c'est un kafir? Là. Lakin, idha ijtama'at fihi sifat al-munafiqin ay al-amali. Et il ressemble au munafiq, le nifaq, l'i'tiqadi, mais tant que ça reste un mu'min, c'est un mu'min, mais son iman il est daïf, et c'est une wasila. Et ça peut être un tremplin qui le pousse au nifaq, l'akbar. Mais tant qu'il croit, et ça reste un mu'min, et il ne déteste pas din al-rasoul, les six catégories qu'on a vues au départ, il ne déteste pas rasoul l'akhiré, ça reste un mu'min. C'est ça, al-sahiyah. Wa adhan. شيخنا يحيى وفقه الله الى ست هذا في شرحه. نعم on l'avait noté dans la première fois qu'on avait fait ce livre. قال حفظه الله ليس معناه انه يكفر اذا توفرت فيه هذه الامور. Ça veut pas dire que si il a les caractéristiques qui sont citées dans les hadiths qu'on a vu, انه c'est un منافق نفاق اكبر, il sort de l'islam. لا. قال ما لم يستحل واحدة منها. Donc il dit pas que c'est halal ces choses. Ou il tombe dans le nifaq al-akbar. S'il tombe dans le nifaq al-akbar, c'est un munafiq. Ça, il n'y a pas de doute. Lakin, nous, on parle si il n'est pas tombé dans le nifaq al-akbar. Et il a les caractéristiques, ça ne fait pas de lui un munafiq nifaq al-yatiqad. C'est ça, sahih. قال هذا نفاق عملي فمتى لو اجتمعت فيه هذه المعاصي الظاهرة فهو نفاق عملي ويجب أن يتوب إلى الله. Il doit faire توبة. Et c'est très grave. Sa situation elle est grave. لكن on n'a pas le droit de dépasser les limites et dire c'est un منافق مثل المنافقين qui détestent الدين الله. قال فإنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر وخصال إيمان وخصال كفر ونفاق ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. فالشيخ نجمي لا فلا بخصيص أن في إنسان tu peux avoir نفاق وإيمان, tu peux avoir du كفر أصغر et du إيمان, et c'est dans son cœur il a du إيمان et il a du نفاق مثلا نفاق bien sûr العملي الأصغر. فهذا par rapport à son iman, on l'aime fillah, et par rapport à ses ma'asi, on le déteste par rapport à ces points-là. Et ça, c'est important, et on l'a détaillé hada au début du dors. قال ومنه التكاسل عن الصلاة مع الجماعة في المسجد. أي ومنه من صفات المنافقين. Parmi les caractéristiques des munafiqin كذلك, التكاسل. أي la fainéantise عن صلاة الجماعة. قال فإنه من صفات المنافقين فالنفاق شر وخطير جدا ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتخوفون من الوقوع فيه. الصحابة رضي الله عنهم ils avaient peur de tomber dans le nifaq. مع أنهم سأفضل هذه الأمة. C'est la meilleure des générations. Allah سبحانه وتعالى les a choisis pour accompagner le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Malgré cela, ils avaient peur du nifaq. وهكذا المؤمن. Plus il avance dans l'ilm, plus son iman il monte, il a peur du nifaq. Et tu trouves un al-munafiq, il n'a pas peur de hada. Qala ibn Abi Mulayka rahimahullah adraktu 30 min ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yakhaf an-nifaq ala nafsihi radiyallahu anhum ajma'in. Na'am, dhakarahu al-Bukhari mu'allaqan fi as-sahih ay sans isnad. Et c'est Thabit An ibn Abi Mulayka. Et il a cité An-Nahada. Naam, il a cité une note à la fin. Ce chapitre parle min kitab al-tawhid lil Fawzan. Cheikh Fawzan. Hafidahullah. Tamam. Ce chapitre, Rubama, il a pris de kitab al-tawhid de Cheikh Fawzan. Aïe, ma yata'alak bi aqsam al-nifaq. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ce bab il est fini, révisez-le et le prochain cours on commence le dernier chapitre de cette émission. Hayyakum Allah, subhanakum, hamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.